Veramen. Markem Dan, archive.org licence Creative Commons pas d'usage commercial. Partage à l'identique. François de Salcedo, Julien Davila, Laurent de Cepeda et Saint-Jean de la Croix désiraient trouver le sens de cette parole que la sainte avait entendue dans l'oraison, « Cherche-toi en moi ». Ils s'étaient rendus au monastère de Saint-Joseph d'Avila, et devaient prier les carmélites elles-mêmes de décider lequel d'entre eux aurait donné la meilleure explication, l'évêque d'Avila, dont Alvaro de Mendoza, instruit de ce qui se passe, arrive à son tour, et déclare que l'affaire sera décidée par la sainte elle-même. Il écrit donc à Thérèse et lui commande de faire une critique sous forme de Veramen. Pour mieux comprendre la portée de cette critique, il est bon de savoir ce qu'était le Veramen. C'était une sorte de matinée satirique où les étudiants, à la veille de recevoir le grade de docteur, étaient criblés de critiques. Un professeur de l'université relevait leurs défauts physiques, intellectuels et moraux, tandis qu'un autre rehaussait, au contraire, toutes leurs qualités. Thérèse s'acquitta de la charge délicate que lui confia l'évêque d'Avila avec le ton jovial et spirituel que nous avons admiré. Le texte de la locution de la sainte n'est pas consigné. Lettre numéro 161 de Thérèse de Jésus, 1577, 27 janvier, Tolède, à Don Alvaro de Mendoza, évêque d'Avila, une satire, critique de François de Salcedo, de Julien d'Avila, de Saint-Jean de la Croix et de Don Laurent de Cepeda. Si l'obéissance ne m'y forçait, je ne saurais, à coup sûr, ni répondre, ni accepter l'office de juge que vous me confiez. J'aurais plusieurs raisons pour cela, mais ce ne serait pas, comme le prétendent les sœurs de ce monastère, parce que mon frère figure au nombre des concurrents, et que, par affection pour lui, je paraîtrais donner une entorse à la justice. Tous les concurrents me sont très chers, et m'ont aidé à supporter mes travaux. Quant à mon frère, il est venu à la fin, lorsque nous avions déjà bu presque tout le calice des douleurs. Pourtant, il en a eu sa part, et il en aura une plus grande encore. Avec l'aide de Dieu, plaise au Seigneur de m'accorder sa grâce, afin que je ne dise rien qui me vaille d'être dénoncé à l'Inquisition, car j'ai la tête très fatiguée par les nombreuses lettres que j'ai dû écrire et les affaires qu'il m'a fallu régler depuis hier soir. Mais l'obéissance peut tout, je me soumets donc à ce que me demande votre Seigneurie, bien ou mal, veuillez l'agréer. J'aurais voulu m'égayer un instant avec tous ces papiers, il ne faut songer qu'à obéir. François de Salcedo. Le thème dont il s'agit est, paraît-il, de l'époux de notre âme, qui lui adresse ces paroles, « Cherche-toi en moi ». La preuve que Monsieur François de Salcedo se trompe, c'est qu'il insiste sur ce point que Dieu est en toute chose. Quel savant pour nous apprendre que Dieu est en toute chose. Il parle beaucoup d'entendement et d'union, mais l'entendement, c'est chose connue, ne discourt pas dans l'état d'union. Or, s'il ne discourt pas, comment peut-il chercher? J'ai été très contente de cette parole de David, j'écouterai ce que dit en moi le Seigneur Dieu. Psaume 8 et 9. Car cette paix où sont les puissances figurées par le peuple dans l'Écriture est digne de la plus haute estime. Mais j'oublie que mon but est de critiquer tout ce qu'ont dit ces messieurs. D'après moi, cette explication ne vient pas à propos. Le texte en question ne dit pas « écoute, mais cherche-toi ». Il y a pis encore, et si Monsieur de Salcedo ne se dédie pas, je vais le dénoncer à l'Inquisition, qui est tout près, il ne cesse de répéter dans tout son écrit « ceci est de Saint Paul, cela est du Saint-Esprit ». Et il termine en déclarant qu'il n'a écrit que des sottises. Qu'il se rétracte promptement, sans quoi il verra ce qui lui arrivera. Julien d'Avila. Le père Julien d'Avila commence bien et finit mal, aussi, on ne doit pas lui donner la palme, on ne lui demande pas, en effet, de nous dire comment s'unissent ensemble la lumière incréée et la lumière créée. Mais comment nous devons-nous chercher en Dieu? Nous ne lui demandons pas, non plus, ce qu'éprouve l'âme quand elle est intimement unie à son Créateur, ni comment elle diffère alors de lui ou si elle n'en diffère pas. À mon avis, lorsque l'âme est en cet état, l'entendement ne saurait s'occuper de ces questions. S'il le pouvait, il verrait très bien la différence qu'il y a entre le Créateur et la créature. Il ajoute ces mots, « Quand l'âme est épurée, il n'y a, selon moi, ni vertu ni purification qui suffisent ici, il s'agit, en effet, d'une grâce surnaturelle, et Dieu la donne à qui de veut, si quelque chose peut disposer à cet état, c'est l'amour. Néanmoins, je lui pardonne volontiers ses torts, parce qu'il a été moins long que mon père Jean de la Croix. » Jean de la Croix. Sa réponse renferme une très bonne doctrine pour celui qui voudrait suivre les exercices en usage dans la compagnie de Jésus. Mais elle n'a rien à voir avec la question qui nous occupe, triste sort que le nôtre, si nous ne pouvions chercher Dieu qu'après être morts au monde. La Madeleine, la Samaritaine et la Cananéenne ne l'étaient pas, certes, quand elles ont trouvé le Sauveur. Il s'étend beaucoup sur la nécessité de devenir une même chose avec Dieu en s'unissant à lui. Or, quand cela arrive, quand cette faveur est accordée, on ne doit pas dire que l'âme cherche Dieu, puisqu'elle l'a déjà trouvé. Que le Seigneur me délivre de gens tellement élevés en spiritualité qu'ils veulent, coûte que coûte, tout ramener à la contemplation parfaite. Cependant, nous lui savons gré de nous avoir si bien expliqué ce que nous ne lui demandions pas. Voilà pourquoi c'est une chose excellente de parler toujours de Dieu, le profit nous vient d'où nous ne l'attendions pas. Laurent de Cepeda. C'est précisément ce que nous procure l'écrit de Monsieur Laurent de Cepeda, à qui nous savons pourtant beaucoup de gré de ses couplets et de sa réponse. Il en a dit plus qu'il n'en sait, toutefois. Vu le plaisir qu'il nous a causé, nous lui pardonnons le peu d'humilité qu'il a eu de se mêler de ces hautes questions. Comme il le reconnaît d'ailleurs d'un point sa réponse, nous le remercions, en outre, du bon conseil qu'il donne, sans que nous le lui ayons demandé, de pratiquer l'oraison de quiétude, comme si cela était en notre pouvoir. Il sait déjà le châtiment auquel se condamne celui qui agit de la sorte. Plaise à Dieu qu'il retire quelque profit de s'être trouvé en compagnie de gens spirituels. Il m'a procuré le plus vif plaisir par son travail, mais, à mon avis, il a grandement raison d'en être confus. Je ne puis décider en ce moment lequel de ses écrits est le meilleur, car, sans commettre d'injustice, je trouve des fautes en tous. Que votre Seigneurie veuille dire à ces messieurs de se corriger, et peut-être est-il nécessaire que je me corrige moi-même, afin de ne pas ressembler à mon frère dans son peu d'humilité. Tous ces messieurs sont si divins qu'ils n'ont perdu que pour avoir cherché à être trop élevés. Comme je l'ai déjà noté, on ne dira pas à quelqu'un qui aurait obtenu la grâce de tenir son âme unie à Dieu de le chercher, puisqu'il le posséderait déjà. Je présente tous mes remerciements à votre Seigneurie pour l'honneur que vous m'avez fait de m'écrire. Permettez-moi de ne pas répondre présentement à votre lettre, car je ne voudrais pas ennuyer plus longtemps votre Seigneurie par mes enfantillages. L'indigne servante et sujette de votre Seigneurie, Thérèse de Jésus.